Galaxy Pop a changé d'adresse. Ce n'est plus Constellation, mais Nouveauté. 30 jours de podcast pour mettre des paupiètes dans votre vie. Galaxy Pop Nouveauté, c'est mon produit de beauté. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Ciné Dimanche spécial émotion. Et oui, ça peut arriver. Au menu de ce Ciné Dimanche, une petite mise en bouche tout en douceur avec Barbarians, une grosse série B qui ne contient pas du tout d'émotion, mais que l'on se mettra en bouche histoire de se préparer au choc émotionnel à venir. Puis nous enchaînerons avec Blue et Compagnie, qui est une petite comédie fantastique absolument d'une douceur incroyable. Voilà, disons les mots tels qu'ils sont. Ensuite, au dessert, nous aurons Crying Fist, qui est un film de boxe extrêmement poignant, coréen, avec Choi Min-sik. Et enfin, pour le dessert et pour mieux faire passer l'addition, le corbeau viendra vous parler de Bridget Jones, folle de lui. Mais pourquoi a-t-il été regardé ça? A-t-il été traîné par sa femme, par les cheveux? Nous le saurons à la fin de cette émission. Mais en attendant, on va commencer avec Barbarians. Bon, je vais jouer franc jeu avec vous, je ne pensais pas avoir grand chose à dire sur ce Barbarian, sorte de sous-Conan matiné de la série Hercule, mais sans aucun budget. Les premières minutes m'ont conforté dans l'idée que j'étais face à un gros navet qui mise tout sur la taille des biceps de son barbare. Et puis, il y a eu la première révélation, le truc qui m'a fait comprendre que c'était sans doute plus un bon nanar bien sympathique, la créature magique. Une sorte d'Ewok taille adulte. En fait, un Gugus qui sautille partout dans un costume d'ourson miteux trop grand pour lui. Et puis, il y a des nichons. Y a plein de plornichons gratuits, et c'est toujours un bon signe, pas vrai? C'est quand même pas Mergreen qui va me contredire. Et le dernier clou sur le cercueil de ce nanar de compète, Martinkov. Mais si, vous savez, le méchant zinzin de Karate Kid ou Cobra Kai pour les plus jeunes. Eh bien Martinkov, donc, affublé d'un mulet de compétition, incarne le grand méchant sorcier, Munkar. Il fait des étincelles avec ses doigts et ricane de manière diabolique, il est vraiment très méchant. Et il met au point un plan débile à la Robin des Bois pour débusquer notre héros plein de muscles et pauvres en neurones. Un tournoi. De fil en aiguille, le vilain va obtenir les reliques magiques, le héros sera aux portes de la mort, la créature magique bourrée au baba au rhum et la princesse en détresse. Heureusement, un deus ex machina vient faire en sorte que le film se termine bien et en moins de 80 minutes. Elle est pas belle la vie? Bon, vous l'aurez sans doute compris à la lecture de ma petite chronique, il n'y a pas vraiment d'émotion à part une certaine joie de vivre, une petite douceur, comme un baba au rhum qu'elle me comprendrait en entrée. Attaquons maintenant le plat de résistance avec Blue et compagnie. Et des fois, je me dis qu'il faudrait choper les salopards de marketeux qui pondent des titres VF aussi merdiques et déconnectés du film pour les forcer à entendre les meilleurs titres québécois récités par Le Corbeau. Avec accent, s'il vous plaît. Le tout assis sur un pal. C'est limite criminel de passer de IF, soit Imaginary Friends, mais aussi et si, en titre subtil et à double sens, à ça. Ce titre qui pompe du Disney comme s'il avait des Happy Meal à vendre. Et ça me fout en rogne parce que c'est un très chouette film, très doux et positif qui a été marketé avec le fion et qui n'a pas réellement trouvé son public. J'aurais pu passer à côté d'une belle fable joliment réalisée par John Krasinski et animée par Ryan Reynolds, moins tête à claque que d'habitude. Si mes gosses n'avaient pas insisté, vraiment je l'aurais loupé. Dans ma tête de pioche, c'était une comédie à la con, un peu un sous-monstre et compagnie, avec plein de créatures prêtes à être vendues sous forme de peluches et autres merchandising chez Disney. Mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est un magnifique film sur le deuil, l'enfance et les mécanismes de défense quand tout ça nous échappe. Et en plus, c'est beau. Il y a de nombreuses scènes dans ce monde imaginaire qui sont colorées et très plaisantes à l'œil. Ça a été un super moment avec mes gosses, et même si les petits twists sont vite éventés, le plaisir est là. Donc si vous ne l'avez pas compris, je ne saurais que trop vous conseiller Blue et compagnie. Et pour le dessert, un film que j'attendais pas là et qui m'a retourné les tripes, Crying Fist. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film coréen réalisé par Ryu Seung-wan. Pardonnez l'accent, vraiment, je fais ce que je peux. Réalisateur et acteur dans le très chouette City of Violence. Ici, on va suivre les destins croisés de Choi Min-sik, vu dans All Boy, ici en boxeur loser, et de Ryu Seung-bom, vu dans Arahan, du même réal, en petite frappe qui va découvrir la boxe en prison. À travers le cheminement de ces deux laissés pour compte, de ceux qui ne sont rien, le réal nous dresse le portrait d'une société coréenne profondément solitaire, inégalitaire et violente. Une société qui écrasera et détruira par tous les moyens ceux qui ne sont pas encore assez invisibles à son goût. Pour être tout à fait franc, j'étais pas au mieux de ma forme quand j'ai vu ce film. Je venais de perdre ma grand-mère et je pensais voir un petit film de baston au ton doux ou amer comme City of Violence. Très très grosse erreur. Je me suis pris un direct au cœur. Ce film est un drame poignant, d'une tristesse absolue, porté par deux acteurs au top de leur forme et dont les liens familiaux sont le moteur principal. Je me suis encore retrouvé à chouiner, mais cette fois-ci devant un film qui m'a pris aux tripes malgré un démarrage assez lent. Le montage parallèle de nos protagonistes les met en valeur tout en nous donnant les tenants et aboutissants de leur motivation. Le tournoi est vraiment un bon moment de cinéma, mais la finale est un vrai choc où nos protagonistes deviennent de vrais héros, transcendés par l'amour pour et de leur famille. J'ai rarement vu un film porter aussi bien son nom, et j'aurais tellement aimé avoir le temps de le faire découvrir à mon père. Là, je vous cache pas qu'on est encore un petit peu beaucoup dans l'émotion. Hein. Tout ça, c'est encore un petit peu frais. Et je vous garantis que ce film m'a retourné. Si vous avez l'occasion de le voir, il faut le voir. Et maintenant, écoutons donc le corbeau nous parler de Bridget Jones et nous ouvrir son petit cœur. Bridget Jones est de retour. Dans Bridget Jones folle de lui, on la retrouve désormais mère de deux enfants et veuve. En effet, son mari, Mark Darcy, a été tué quelques années plus tôt au Darfour lors d'une mission humanitaire. Elle est toujours aussi dépressive, limite une larve, et n'a plus grand-chose dans la vie. Heureusement ou malheureusement, elle va se relancer sur le marché des célibataires en sortant tour à tour avec un jeune homme de 20 ans son cadet, puis ensuite avec un professeur de l'école de ses enfants. Vous sentez à ma voix à quel point je suis dépressive d'avoir regardé ce film ? Je ne sais pas quoi dire, il n'y a absolument rien qui va. Bridget Jones, qui était une célibataire un peu paumée mais drôle, est devenue une dépressive totale, voire une cassos. Elle traîne toute la journée, s'occupe vaguement de ses enfants, les fait garder par Daniel, toujours interprété par Hugh Grant, et reste amorphe dans sa vie. Son personnage n'est plus drôle ou attachant, il est juste pathétique. Je ne parle même pas de l'actrice Renée Zellweger, qui passe son temps à faire des mous, plier les yeux et marcher comme une débile. Tu n'as pas l'impression que le personnage est câblé. L'histoire est assez triste. Hugh Grant fait du Hugh Grant, c'est-à-dire le personnage drôle, cynique, mais qui au fond de lui cache un petit cœur tendre. En même temps, c'est toujours la même chose. Ressortir une suite 25 ans après le premier film, ça commence à faire beaucoup. Et il y a vraiment, vraiment très peu de réussite dans le genre. Et il y a même des catastrophes, comme celle-ci. Ah bah tiens, quelle surprise, il a pas aimé. Mais pourquoi il a été voir ça? Je crois qu'il faudra qu'on lui demande, si un jour on fait un live, pourquoi a-t-il été voir Bridget Jones? Folle de lui. Bref, eh bien écoutez, c'était encore un très bon ciné dimanche. Je pense qu'on vous a conseillé des bons films cette fois, un petit peu à la différence de d'habitude. Je vous conseille donc d'aller voir Crying Fist et Blue et compagnie, et même Barbarian si vous êtes un peu déviant et que vous avez envie de rigoler. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à Galaxy Pop, le flux nouveauté, de vous abonner à la limite à Ciné Dimanche de Branque sinon rien, c'est toujours bon à prendre. N'hésitez pas à nous faire vos retours, hein, si vous avez vu des films, si vous en avez pensé du bien ou du mal par rapport à nous. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous nous voulez du mal, à nous donner des films à voir, on le fera avec grand plaisir. Enfin, je passerai les mauvais au corbeau, je garderai les autres. Allez, salut à tous. Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis, Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi, je dis ça, je dis rien.